Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que vous êtes dans la joie? Eti muko katika fura. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Est-ce que vous avez présenté la sœur Padou? La sœur Padou, vous l'avez présentée? Oui, oui. D'accord. Sawa. Est-ce qu'on peut chanter notre cantique? Tunaweza kuimba wimbo wetu ile. À l'appel de Dieu. Kumwito ya Mungu. Pendant ce temps, nous ouvrons nos Bibles dans Proverbe chapitre 30. Tafungula bitabu yetu mezali sura makumi tatu. Verset 5. Mustari ya tano. Et nous prendrons aussi 2 Pierre. Tutachukua tena Petro wa pili. Chapitre 1. Sura yake ya kwanza. Dans son verset 16. Mstari yake ya 16. Dans son verset 19 à 21. Mstari ya 19 na 21. notre Père céleste. Baba yetu wa kumbingu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mujina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous te disons grand merci. Tunasema asante sana. Comme nous venons de le chanter. Paka vile tunatoka mukuimba. Nous voulons toujours être prêts. Tunapenda kila mara tuwe tayari. Avec un cœur honnête. Na moyo wa waki. Un cœur droit. Moyo wa kunyoloka. Un cœur humble. Moyo wa unyenyekevu. Un cœur plein d'affection à ton égard. Moyo wa kuyala na mapendo ya kukupenda. Seigneur. Bwana. Être prêt en tout temps, kuwa tayari mwakati yote, en toutes circonstances, mwakati yote yote, lorsque ta voix nous appellera. Wakati sauti yako itatuita. Seigneur, merci. Bwana, asante. Tu as envoyé Jésus-Christ, ulimutuma Yesu Kristo, pour rendre la chose facile mambo et rendre la chose possible. Na imambo, viens, Seigneur Jésus. Uja Bwana Yesu. Et bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Donne-nous tout ce qui est nécessaire pour que nos âmes soient prêtes quand la dernière trompette sonnera. Seigneur, merci à ceux qui ne sont pas sauvés. Les salue entre tes mains. À ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est toi qui baptises le Saint-Esprit. À ceux qui n'ont pas de décision, c'est toi qui dirige les pas des justes. À ceux qui sont malades, Seigneur, accorde la guérison. Aux frères et sœurs qui ont des problèmes, c'est toi qui as toute solution. Merci, Seigneur. Bénis cette congrégation. Bénis la parole. Accompagne-nous du début à la fin de ce culte. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Proverbe chapitre 30. Mezali sura ya makumi tatu. Verset 5, 6. Mustari ya tano na ya sita. Et 2 Pierre chapitre 1. Na Petro wa pili sura ya kwanza. Verset 16. Mustari ya kumi na sita. Verset 19. Mustari ya kumi na kenda. Jusqu'au verset 21. Ufika na makumi mbili na moja. Toute parole de Dieu est éprouvée. Neno lote la Mungu inashapimiwa. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Iko ngabo kwa wale wote wanatafuta ndani yake kifichamio. N'ajoute rien à ses paroles. Usiongeze kitu kwa maneno yake. De peur qu'il ne te reprenne. Kwa oga asiukemee. Et que tu ne sois trouvé menteur. Na usikutanishiwe muongo. 2 Pierre chapitre 1. Petro wa pili sura ya kwanza. Ce n'est pas en effet. Aina kwa kuwa. En suivant des fables habilement conçues. Mfuatana maadisi, mkufuata maadisi yenye kutungwa mzuri. Que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Kumule tulimijulisha uwezo na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alakini ni sawa benye kuona utukufu wake na macho yetu. Verset 19. Kumina kenda. Et nous tenons pour autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Na tunashika kwamba ni ya kweli hakika neno ya unabii kule munateka sana angalisho. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Sawa ta yenye kuangaza pafazi ya giza sana. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Kufika na pale mchana ipate kuonekana. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Na nyota ya asubuhi ipate kuamuka mumioyo zenu. Sachez tout d'abord vous-même. Mujue kwanza mwe benyewe. Qu'aucune prophétie de l'écriture. Hakuna unabii hata moja ya andiko ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ayezi kuwa shina ya utafsiri ya upekee. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Kwani aina kwa mapenzi ya mtu unabii ililetwa. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alakini ni yenye kusukumwa na Roho Mtakatifu. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Jopale bantu barisema kwa upande wa Mungu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu ongeze baraka kusomi wa neno lake. Nous posons le base. Tukunaweka ni misingi. De ce grand enseignement que nous allons bientôt entamer. Ya hii mafundisho mkubwa ile tutaanza sasa hivi. La voie du salut. Njia ya wokovu. Et qui va chuter sur le plan du salut. Itaishia mumapu ya wokovu. Nous avons parlé avec beaucoup d'importance, avec beaucoup d'insistance. Turisema na mukazo mingi. Sur la valeur de la Bible. Yulu ya bei wala ya mafa ya Biblia. Beaucoup de frères. Banduku mingi. Beaucoup de sœurs. Badada mingi. Ignorent encore l'autorité de la Bible. Abayayua tena mamlaka ya Biblia. Ils ignorent l'importance de la Bible. Abajue mafa ya Biblia. Ils ne connaissent pas la Bible. Abajue Biblia. Et ils ne comprennent pas la Bible. Na abaelewe Biblia. Nous avons montré à l'Église. Turionesha kukanisa. Que tout homme, tout prédicateur, tout docteur ou tout prophète. Mutuote, mubiriote, nabiote wala mwalimuote. Qui a un langage négatif. Mwenye kwa na musemeo ya mubaya. Un langage de mépris. Musemeo ya kazarau. À l'égard de la Bible. Kuhusu Biblia. C'est un démon qui vient directement de l'enfer. Manake ule ni demon anatokea pale pale wadeza. Tout homme qui affirme. Mutu wote ule na hakikisha. Que la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. Ya kwamba Biblia yote haina neno la Mungu. Elle n'est pas inspirée. Haina yenye kusukumwa na Mungu. Il y a une partie de la parole de Dieu et une partie de la parole des hommes. Kuku kipande kya neno la Mungu na kipande neno la watu. Nous avons montré que c'est un démon. Turionesha ya kwamba mtu anamna ile ni demona. La Bible. Biblia. Est le seul livre. Ni kitabu moja tu. Depuis que le monde existe. Tangia ulimwengu iko wako. Est le seul livre. Ni kitabu kimoya tu. Que Dieu lui-même a écrit. Kile Mungu yeye mwenyewe aliandika. Par sa propre main. Kupitia mkono yake. À travers les hommes que lui-même a mandaté. Kupitia batu bale yeye mwenyewe alituma. Les hommes loin de son esprit. Batu wenye kupakaliwa na roho yake. La Bible. Biblia. C'est le Dieu tout-puissant. Ni Mungu wa uwezo wote. Sous la forme de l'écriture. Mwali ya maandiko. La Bible. Biblia. Elle c'est le livre. Ni kitabu moja hapo tu. Parfait. Kamilifu. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Amuna mapinganishano mbiblia. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Amuna makosa mbiblia. Il n'y a pas d'imperfection dans la Bible. Amuna bitu bya sipo kamilifu mbiblia. Il est le seul parfait. Iku peke yayo kamilifu. Il est le seul saint. Iku peke yayo takatifu. Et la Bible est le seul livre éternel. Na biblia ni kitabu moja tu kya milele. Le seul livre de la rédemption. Peke yake kitabu ya wokovu. La Bible. Biblia. Le seul livre de la vérité. Peke yayo kitabu ya ukweli. Où il n'y a aucun mensonge. Mula muna bongo ata moya. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. C'est pourquoi nous vous avons dit. Jo kwa maana tulimiambia. N'acceptez jamais. Musitikie kamwe. Une chose contraire aux écritures. Kitu kenye kwa kinyume na maandiko hapana. D'où qu'elle vient. Hata kama kinatokea wapi. Non bien-aimé frère. Hapana nduku mpendwa. Non bien-aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Dans l'autorité de la parole. Mumamlaka ya neno. Au paragraphe. Ni mahubiri. Nukta yake ya sita. L'autorité de la parole. Mamlaka ya neno ni mahubiri. Au paragraphe 6. Nukta yake ya sita. Le prophète dit ceci. Nabi anasema hivi. Maintenant. Sasa. C'est ça la parole de Dieu. La Bible c'est ça la parole de Dieu. Biblia ndio neno la Mungu. Elle vient toujours en premier. Yo ikupaka ya kwanza. Toute doctrine religieuse. Mafundisho yote ya kidini. qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, sur l'ensemble de la parole de Dieu, d'un bout en bout, j'ai bien peur de cela. Pardon? J'ai bien peur de cela. Ah, mina isikia boka. Je peur. Nasikia boka. D'une doctrine. Ya mafundisho. De toute doctrine. Ya mafundisho yote. Qui n'est pas entièrement basé sur l'ensemble de la parole de Dieu, sur l'ensemble des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous pouvez faire dire n'importe quoi à la parole en la tordant. Mais il faut que cela soit prouvé comme étant la vérité. Pourquoi? C'est elle qui a toute l'autorité. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Un élu ne fonde pas son salut. Ne fonde pas sa foi. Il ne fonde pas la vie éternelle sur un seul bout, une seule parole de la Bible. Sur un seul verset de la Bible. Non, bien-aimé frère. Un élu base sa foi sur toute l'entièreté de la Bible. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. C'est elle. Ni Biblia. Qui est Dieu sous la forme de l'Écriture. Si vous ne le faites pas, vous tomberez loin de la face du Seigneur. Oui, bien-aimé frère. Dans une vie cachée en Christ, dans une vie cachée en Christ, à la page 9, je suis un fondamentaliste. Tout doit provenir des Écritures. Je ne dirai pas que je n'y croirai pas. Mais je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas bien cela si cela ne provient pas des Écritures. C'est vrai. Si jamais vous voyez quelque chose de douteux que nous faisons ici sans que cela ne se trouve dans les Écritures, eh bien, venez nous voir. Parce que je veux certainement rester juste dans ce livre. Vous voyez, en effet, la Bible, c'est le fondement. Vous voyez, et quand chaque Écriture et toutes les opérations du Saint-Esprit doivent provenir de la Bible, alors c'est à ce moment-là à que j'y crois. Eh bien, Dieu peut faire une chose qui ne se trouve pas dans la Bible. C'est toujours Dieu. Mais je comprendrai cela mieux si cela vient directement de la Bible. J'aime plutôt cela ainsi. C'est parce que à ce moment-là, je suis sûr que c'est la vérité. Que c'est juste. C'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. C'est pourquoi les chrétiens ne basent pas leur foi sur quelques bouts de versets. Yulu tu yama mistari kidogo fulani. Apana. Apana, frère. Non, mon frère. C'est vrai, frère. Biakweri nduku. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu prédestinés à la vie éternelle. Kama tukubatoto banamuke na banaume venye kutairishiwa kubushima bwa Mungu. Kushima milele. Dans le fin fond de nos cœurs. Mupana ya mioyo yetu. Dans le fin fond de votre cœur. Mupana wa moyo wako. Vous aurez un souci permanent. Utakuwa na mangaiko ya kila wakati. Et profond. Na ya upana. De découvrir. Ya kuvumbula. Quelle est la voix de Dieu en ce jour? Njia ya Mungu iko wapi? Et quelle est la volonté de Dieu? Na mapenzi ya Mungu iko wapi? Dans cet âge dans lequel tu vis. Muiki sasa mule kunaishi. Père. Nduku. Sœur. Dada. Là où tu es assis. Pale unekala. Pas de lèvres. Apana kumidomo. Pas dans ta tête. Apana mukichwa yako. Pas parce que le pasteur l'a dit. Apana ju pasteur njwane ebisema apana. Mais là dans votre cœur. Alakini muupana wa moyo wako. Si le souci. Kama angaiko. De découvrir la volonté de Dieu. Ya kuvumbula mapenzi ya Mungu. La vérité de la voix de Dieu. Ukweli ya njia ya Mungu. Pour vous aujourd'hui. Kwako leo. N'est pas en vous. Aina ndani yako. Même votre élection est mise en doute. Hata kuchaguliwa kwako tunakushakia. L'église est avec moi. Neti kanisa munafuata. Dans un élu de chaque âge, dani ya kila mteule wa kila kizazi, il y a un souci profond mukuangaiko ya upana, de connaître toute la vérité de Dieu, ya kujua ukweli yote ya Mungu, la manière d'agir de Dieu, namna ya kutenda dans cet âge-là, muile kizazi ile, avec le souci naangaiko d'expérimenter ya ye kuonja le véritable salut. Okovu ya kweli. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Parce que Dieu, Dieu Mungu, dans sa sagesse comme nous l'avons dit, mwekima yake paka vile tuliisema, chaque âge, kila kizazi, a une portion, iko na sehemu, de l'écriture, ya andiko, qui doit s'accomplir, ile napashi utimilika, dans cet âge-là, mwile kizazi ile, pour le salut des âmes, juu ya wokovu des élus, ya bateule, pour amener les élus, ya kupeleka bateule, à la maison, kunyumba, pour amener les élus, ya kupeleka bateule, à la vérité, kukweli, pour restaurer les âmes, c'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il doit y avoir ce souci-là. Avoir le souci de connaître comment Dieu agit, comment Dieu sauve, comment Dieu bénit, comment expérimenter le véritable Dieu dans votre vie. Ça doit être un souci permanent. Mais combien de frères, combien de sœurs ont ce souci? Combien? Bangapi. Où si tu n'as rien commandé à toi, il n'a pas mal. Nous sommes encore au début, nous ne sommes pas partis loin. Mon âme là où on a mis les nœuds là. La manière dont toi tu crois à la parole. Mon âme là on embarque à mon. La manière dont toi tu pries. Mon âme là on a sommé les nœuds là. La manière dont tu lis la parole. Mon âme là on a couru à les nœuds là. La manière dont tu viens. Mon âme là on a dû comporter dans la canisse. La manière dont tu te comportes. Mon âme là on a dû comporter vis-à-vis de la parole qui vous est apportée. La manière dont tu te comportes belle et nœuds là mon gueule là. Est-ce que qu'on en est chaque semaine? Est-ce que ça prouve que? Où qu'on engage à nafsi yako? Tu te préoccupes de ton âme. Na où qu'on engage qui a ouïe? Tu te préoccupes de connaître la volonté de Dieu dans cet âge. Mais la plupart des frères et des sœurs sont seulement habités par les esprits dénominationnels. N'est-ce pas, nous vous voyons même la manière de venir à l'église. Les gens ne sont pas sérieux. Le Dieu du ciel ne peut se révéler à un foutron. Achezi kujifunua kwa mtu bumbafu tu wa ovyo. Un homme qui n'a aucun souci mutu de ceux de Dieu. Ananangaiko hata moya yulu ya bitu ya Mungu. Dieu ne peut pas le faire. Mungu achezi kujifunua kwake. Dieu ne peut jamais se révéler. Mungu hawezi kama kujifunua kwa mtu wa kusula bitu. Dieu ne peut pas le faire. Mungu hawezi kamwe kujifunua kwake. Asa kama ulikuwa na souci ya mambo ya Mungu. Si tu avais les soucis ya Mungu, de la parole de Dieu, de connaître Dieu, tu avais les soucis ya nafsi yako, du salut de ton âme, ulikuwa na souci, tu avais les soucis ya kuexperimenter ya kuonja Dieu dans votre propre vie, mumaisha yako mwenyewe, que tu deviennes un véritable chrétien. Tu serais sérieux avec la parole. Ungebeba bitu na roho yote kuhusu neno la Mungu. Aussi longtemps que ukingari na miza, aussi longtemps que na bebe ya neno la Mungu kunchonga bilole, tu prends la parole de Dieu à la légère. Ne fera rien pour vous. Mungu asitakufasia kitu. Dieu traite avec des hommes Mungu et des femmes sérieux. Eko natumika na banaume na banamuke bale banabebe bitu na roho yote. Quand tu seras sérieux, wakati utabeba bitu na roho yote, mwile wakati Dieu aussi sera sérieux avec toi. Mungu na yeye atakubeba na roho yote. C'est vrai, frère. Bia kweli ndugu. C'est un souci. Ni angaiko. De connaître la volonté de Dieu. Ya kujua mapenzi ya Mungu. Un souci de savoir. Angaiko ya kuyua. Quelles sont les conditions? Ni makanuni kani. Que Dieu a exigé. Ile Mungu analazimisha. Pour l'enlèvement dans cet âge. Ji ya kunyanyuliwa muiki sasi. Ça doit avoir un souci. Unapaswa kuwa na ile angaiko. Et lorsque vous découvrez kivumbula, la promesse du jour, malako ya siku, lorsque vous découvrez vumbula, les écritures mandiko, qui doivent s'accomplir dans votre jour, dans votre génération, yenu, dans la Bible, mubiblia, à ce moment-là, vous avez le droit de vous y accrocher fortement. Quand la parole de Dieu vous est révélée, accrochez-vous fortement. Serrez cette parole dans votre cœur. Gardez propre cette parole dans votre cœur. Uchunge mzuri mzuri le neno mumoyo wako. Ne laissez jamais. Usiache kamwe. L'interprète d'Ève. Kutafusiliwa kwa Eva. Mutafsiri. L'interprète. Mutafsili wa Eva. C'est-à-dire Satan. Manake Shetani. Ne laissez jamais Satan. Usimwache kamwe Shetani. Venir vous l'interpréter. Akwa kutafsiri. Comme il avait fait avec Ève. Vila alifanyaka na Eva hapana. Vous perdrez votre salut. Manake utapoteza wokovu yako. Regardez le comportement de Pierre, des apôtres. Lazameni namna ya kutenda kwa mitume bote. Même quand nous lisons dans Jean chapitre 6. Kata wakati tukisoma mu Yohane sura 6. Regardez leur comportement. Lazameni namna ya kutenda wala kujongoza. Regardez la réaction de Pierre. Oneni kutenda kwa Petro. Ils étaient sérieux. Bali beba bitu na roho yote. Jean chapitre 6. Yohane sura 6. Dans son verset 66, Mustaria makumi sita na sita. Dès ce moment, kuanzia paka pale, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ba mingi katikati ya mitume baka ondoka. Et ils n'allèrent plus avec lui. Na bakwende tena pamoja na Yesu. Jésus dit donc aux 12. Yesu akambia wale 12. Et vous, sasa mweye, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Amupende na mwe kwenda? Simon Pierre répondit. Simon Petro akajibu. Seigneur. Bwana. À qui irions-nous? Ni kwa nani kule tutenda? Tu as les paroles de la vie éternelle. Wenje huku na maneno ya bujima ya milele. Simon Pierre lui répondit. Simon Petro akamujibu. Seigneur. Bwana. Même si les autres t'abandonnent. Ataka mama bengine banakuacha. Nous n'avons plus où aller. Atuna na kwingine kwa kwenda. Parce que nous avons reçu la révélation. Tu tulipokea ufunuo. Que c'est toi. Ya kwamba ni wewe Yesu. Qui a les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Que tu es le Christ. Le Saint de Dieu. Dans l'église, il y a des ramassis. Dans chaque mouvement, il y a des ramassis. Mais Il y a aussi des concernés. Et toi, tu es de quel côté? C'est ça le problème. Pierre dit, Seigneur, Safari avait le bantu. Le départ de ces gens-là s'est retiré de ces gens-là. Ça ne nous concerne pas, nous. Ils se sont retirés puisque ceux qu'ils ont suivis ne l'ont pas vu. Mais ce que nous avons suivi, nous l'avons vu. Nous avons déjà cru. Et nous reconnaissons que toi, c'est toi qui es le Jéhovah de l'Ancien Testament, manifesté dans la chair humaine. Et tu as la vie éternelle à nous donner. Nous ne pouvons pas aller dans les dénominations des pharisiens. Il n'y a rien. Jésus reprend, il dit, même si tu dis ça, parmi vous il y a un démon. Pierre dit, même s'il y a un démon, c'est son affaire. Mais moi, je suis un élu. Ni mambo yake mie ni kumteule. Quand un élu wakati muteule découvre la vérité de son jour, rien ne peut le détacher de cette vérité. Kitu kile kitamutukunya ku ile ukweli akinako. Regardez même le comportement. Je n'ai pas le temps d'en parler. De Élisée et d'Élie. Il y a Elisha na Elia. Quand Élisée reçut son appel, wakati Elisha alipokea mwito yake, Dieu lui donna la révélation. Mungu akampatia ufunuo. Que celui qui devait remplacer Élie. Ya kwamba yeye ndio alipasha kumkombola Elia. Il connaissait Élie. Alimjua Elia. Il connaissait la puissance qui agissait en Élie. Alijua uwezo ulikuwa unatumika. Il connaissait le Dieu d'Élie. Alijua Mungu wa Elia. Mais lui en tant que laboureur, yeye sa mkulima, il ne pouvait pas exercer le ministère d'Élie. Akuwezi kutumikisha utumishi wa Elia. Il savait qu'il n'avait rien du tout. Na kitu ndani yake. Bien qu'il avait reçu l'appel de le succéder, il n'avait rien. Mais regardez son comportement. Il ne voulait pas entendre les paroles qui venaient d'autres personnes. Mais le problème d'Élisée, de s'attacher à Élie, c'est de faire ce qu'Élie lui recommande. Mambo ya Elize, la préoccupation d'Élisée, il le poursuivait. À part de pas qu'il est ouezo, il condamne ya Elie, Dieu mambo yake. Ce qui était en Élisée, c'est ça sa préoccupation. Il n'avait pas affaire à Élie, mais il avait affaire à ce qui était en Élie. Quand Élie lui dit, reste ici. Dieu m'appelle à aller à Bethel. Regardez comment il répond. Aussi longtemps que tu vis encore, moi, je ne peux jamais te quitter. Dieu m'envoie à Jéricho. Je ne peux pas rester. Dieu m'envoie de l'autre côté du Jourdain. Il a dit, partout où tu iras, c'est là que j'essaierai. Je ne peux jamais t'abandonner. Aussi longtemps, cette puissance qui est en toi n'est pas encore venue à moi. C'est pourquoi vous verrez, il était sérieux. Quand Élie lui pose la question, qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux quoi alors? Il n'est pas allé par quatre chemins. Il n'a pas dit, permets que les vaches de mes parents se multiplient à milliers. Que je sois un homme riche, un homme puissant. C'était pas son affaire. Son cœur n'était pas attaché à l'argent ou matériel. Écoutez sa demande. Ce que moi je demande, que tu me donnes l'esprit qui est sur toi en double portion. Élie lui-même s'est étonné de la réponse d'Élisée. Et tu demandes une chose difficile. Les choses de Dieu sont difficiles, mais Elles ne sont pas impossibles. Le Saint-Esprit est difficile à recevoir, mais il n'est pas impossible parce qu'il y a des conditions qu'il faut remplir. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Élie ne lui a pas donné beaucoup d'enseignements. Élie lui dit, quand tu me verras enlever, observe. C'était son enseignement. Il n'avait pas besoin d'être distrait. Oui, le temps Élie a nanyanuliwa. Adam Simbari Mutokea. Même si les lions. Élisée ne pouvait pas s'intéresser au lion. Élisée. Alipasha kutorona macho yake. Aone kule Élie konenda. Parce que Élie alimwambia kusema. Parce que Élie lui a dit. Nitaanza kupanda. Uniangalie. Observe-moi. Il s'attendait à recevoir quelque chose de important. Après, quand vous demeurez dans la parole, elle s'accomplira. C'est vrai, frère. Dieu n'est pas associé au mensonge. Non, bien-aimé, frère. Dieu est associé à la vérité. Mungu ni mwenye kuambatanishwa na ukweli. Quand Dieu promet quelque chose, wakati Mungu akilaka kitu, wewe unaambatana kile Mungu alilaka, weke toi tutatasha ce que Dieu a promis. Promesse sera une réalité en vous. Malako itakuwa mambo ya kweli hakika ndani yako. Parce qu'il est là pour confirmer. Dieu kwa kujua kwa kikisha. La parole de ses envoyés. Neno ya batume yake. Frère, nduku, ma sœur, nadada. Dieu ne confirmera jamais un mensonge. Jamais. Si tu n'es pas né de nouveau, kama, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a quelque chose de faux avec votre foi. Oui, bien-aimé frère. Cette chose qui est fausse, c'est quoi? Kile kitu ki ya bongo, ni kitu gani? C'est l'hybridation. Ni muchango. Bien-aimés frères et sœurs, l'hybridation Muchango est une très mauvaise chose. Ni kitu kibaya sana. Dans la foi. Muimani. Dans la parole. Muneno la Mungu. Beaucoup de frères. Banduku mingi. Et beaucoup de sœurs. Na badada mingi. Ne voyez pas Dieu agir dans leur vie kutenda mu maisha yabo à cause de l'hybridation de la parole de Dieu. Wajili ya muchango muneno la Mungu kuchanga mobitu. L'hybridation kuchanga kwa bintu affaiblit la parole de Dieu. Ikuna lekesha neno la Mungu. L'hybridation de la parole Muchango, muneno la Mungu la rend sans effet. Inafuanya neno la Mungu haina tena na matokeo. La rend sans force. Inafuanya neno la Mungu haina tena na nguvu wala uwezo. La rend sans vie. Inafuanya neno la Mungu haina tena na l'hybridation Muchango tue la parole de Dieu. Iko na uwa neno chasse la Mungu. Vie de Dieu unafukuza buzina dans sa Mungu. Parole ndani ya neno lake. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Et ça, c'est une mission spéciale du diable. Na ile njo kazi ya upeke ya shetani. Quand Dieu envoie un réveil, wakati Mungu anatuma uamsho fulani, Satan est aussi là. Shetani na eko pale. Pendant le réveil, wakati amsho, le Saint-Esprit agit puissamment. Rom takatifu konatenda na uwezo pour attirer les élus vers Dieu. Jua kufuta bateule bende kwa Mungu. Satan aussi. Shetani naye. Il vient. Il agit puissamment. Onatenda na uwezo yote. Pour détourner les gens. Jua kugeuza bantu. De la bonté de Dieu. Na watoshe kuwema de la puissance de Dieu. Na kubatosha ku uwezo wa Mungu. C'est ainsi que Satan. Njo muina muna Shetani. A détruit tous les réveils. Ariaribu mawamu shetani. Existait dans ce monde. Il est likuwa kwa koridonia. Mais les hommes ne prennent pas de n'apprennent pas de leçons. Ala kinibanto aba bébé pour ma difunzo pa ile mambo. Quand Dieu envoie un réveil dans un âge, quand Dieu manifeste sa bonté, sa grâce, sa puissance pour attirer les élus à lui, pour les sauver, Satan est là. Il agit aussi avec puissance pour détourner les gens de la bonté de Dieu, pour qu'ils ne soient pas sauvés. Satan n'a jamais eu de respect devant aucun réveil. L'Église est avec moi. Regarde depuis la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. Quand la Pentecôte avait commencé à Jérusalem, la puissance de Dieu s'est révélée d'une manière particulière. Mais quand vous lisez l'histoire de cet âge, Satan commença à s'infiltrer. Vous voyez, pour affaiblir ce réveil. Et il a affaibli. Aujourd'hui, si vous allez dans la ville d'Éphèse, il n'y a aucune église chrétienne. Quand vous allez dans la ville de Corneille, nous l'avons visité dernièrement ici. Il n'y a que des ruines. Il n'y a rien. Il y a quelques individus qui sont éparpillés loin de la mer, disons près de la mer. Mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. C'est ainsi que vous voyez même le message que nous avons ici. Ce message est déjà tombé. Les gens ne veulent pas filmer. L'esprit du réveil du message a déjà quitté beaucoup de gens. L'esprit du réveil du message demeure uniquement dans les élus. C'est tout. Pas dans les églises. Les églises du message aujourd'hui, la plupart des églises du message d'aujourd'hui sont les jouets des démons. Nos églises aujourd'hui ressemblent à toutes les dénominations. Il y a des spéciales. Quand le réveil commence avec une petite minorité, la puissance de Dieu se révèle d'une manière surnaturelle. Mais quand les démons infiltrent beaucoup de gens, ils infiltrent des ramassis, ça affaiblit la puissance de Dieu. Parce que Satan maintenant a beaucoup de gens par qui il travaille pour étouffer l'esprit de Dieu. C'est ce qu'il fait. J'en ai parlé dans l'âge d'Éphèse. Comment l'âge d'Éphèse est tombé. L'inattention de croyants. C'est à cause de l'inattention de croyants de l'âge d'Éphèse. Quand l'Esprit de Dieu est étouffé par la multitude de gens qui ont amené l'Esprit de Satan, vous remarquez maintenant maintenant, la majorité des croyants apprécient maintenant le monde. Ils se plongent maintenant dans l'imitation. Ils ne voient plus de mal dans ce qu'ils condamnaient autrefois. Voyez bien, mes frères, la mondanité s'infiltre. Les gens deviennent modernes. Ils veulent récupérer maintenant ce qu'ils ont manqué. C'est Satan. C'est Satan, frère. Les gens ne s'intéressent plus à Dieu, aux expériences avec le Seigneur. Maintenant, les gens se soucient plus de la chair, se soucient plus du modernisme. Les gens veulent maintenant être modernes. La vie devient maintenant une grande préoccupation. C'est vrai, frère. C'est Satan qui agit. Il est là pour interpréter faussement l'écriture. Frère Franck a dit cela dans la tragédie. La grande tragédie. Tragédie mukubwa. Écoutez comment frère Franck. Là au début. Il dit ceci. Ah, c'est ma vie. Frère. Ndoku. Écoutez. Musikilize. Toutes les choses bitubiote, à la page 5. Kartasi yake toutes les choses bitubiote, commencées par Dieu bile Mungu alianza nabio, étaient très bonnes. Bilikuwa bizuri, et elles étaient même parfaites. Ah, bilikuwa tena kamilifu. Cependant, japo, chaque fois que l'adversaire kila mara adui, chercha à contrarier artafuta kuzuiza, les plans mapu, les plans de Dieu ya Mungu, et à les faire échouer. Na kuyangushisha. Vous voyez, munaona, quand Dieu commence quelque chose dans un âge, wakati Mungu akianza kitu fulani, mukizani c'est fulani, une très bonne chose. Ni kitu tu kizuri, et une chose parfaite. Na kitu kamilifu. Mais Satan, alakini shetani, l'adversaire de Dieu, adui wa Mungu, cherchera toujours atatafuta kila mara, à contrarier akombanishe ce que Dieu kile Mungu est en train de faire. Mungu à contrarier akombanishe le plan de Dieu mapu ya Mungu, et il veut faire échouer anapenda tout ce que Dieu a à faire Mungu dans cette génération-là. Vous êtes avec moi? Munafuata? Cela commença déjà dans le ciel. Ilianziaka ni mumbingu. Et se poursuivit sur la terre. Na ikafuata na padunia. C'est là la grande tragédie. Dieu vita mukubwa. Dieu avait créé toutes choses magnifiques et parfaites. Mungu aliumbaka vitu vyote kamilifu. Cependant, safi, japo, je ne sais quand Lucifer se leva contre lui dans le ciel. Alimutombokeaka Mungu kumbingu. Et après cela, akisha ile, il séduit les premiers humains dans le paradis. Akatongoza bantu bakwanza mule mparadiso. Écoutez maintenant. Musikie sasa. L'ennemi de Dieu, adui wa Mungu, n'a rien laissé. Ashukwache kitu. Tel que cela était à l'origine. L'ennemi de Dieu n'a rien laissé tel que cela était à l'origine. Dès le commencement et jusqu'aujourd'hui, il a menti. Son travail à lui c'est de mentir. Il a menti et trompé. Et il a exercé une influence destructive sur toute l'humanité. Il n'y a aucun couple ou une famille qui n'a pas secoué. Il est Shetani qui a secoué. Aucun homme akuna mtu atamoi qui n'a laissé en paix akuna mtu hata moyo ule shetani ana tribu hakuna kabila hata moyo aucun peuple hakuna taifa hata moyo aucun pays hakuna inchi hata moyo il n'a pas causé de malheur ile shetani asikulete moole déjà avec Israël kuanzia tu na Israël et plus tard avec l'église na muenda siku na kanisa il a cherché à contrarier alitafuta kukombanisha kupinganisha le plan originel de Dieu mapu ya kumwanjo il n'a eu de respect devant aucun réveilleur asikueshi il n'a eu de respect aucun, devant aucun réveil. Même là où l'Esprit de Dieu était à l'œuvre, il s'est initié et il a introduit de la confusion et la division. Vous voyez, c'est ça le travail de Satan. Il n'a pas laissé ce message libre. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Satan, Shetani, pour contrarier le plan de Dieu, mapu ya Mungu, pour que la volonté de Dieu ya mapenzi ya Mungu, ne s'accomplisse pas dans le coin de cet âge-là, mwile kizazi, il vient avec l'hybridation de la parole. Na kuchanga muneno la Mungu, anachanga amo. C'est vrai, frère. Mbia kweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Mbia kweri dada. Quand vous venez wakati unakuja à Dieu, kwa Mungu, vous devez faire très attention. On n'a pas ce que sopoka sana. À l'hybridation. Sopoka sana mbele ya muchango. L'église de Kambov. Kanisa Kambov. Suivez-moi très bien. Munifate muzuri. Quand vous venez à Dieu pour être sauvé. Wakati unamkaribia Mungu juu upate kokolewa. Vous devez beaucoup faire très attention. On n'a pas chuku sopoka sana. À ne jamais hybrider la parole de Dieu. Usipime kamwe kufanya muchango muneno la Mungu. Ne cherchez jamais. Usitafute kamwe. À mal interpréter. Tafsiri mbaya. La promesse ou les promesses du jour. Malako wala malako ya siku. La parole ne supporte pas l'interprétation personnel. Neno la Mungu aivumili yake matafsili ya upeke. Quand vous interprétez mal la parole de Dieu, ukitafsili mbaya neno la Mungu, même dans votre propre pensée, hata tu mu mawazo yako mwenyewe, vous l'interprétez mal, unaitafsili mbaya, dans votre manière de vivre, d'agir, namna yako ya kutenda, dans votre manière de la croire, namna yako ya kuiamini, vous tuez manake pale unaua cette parole là, unaua et vous neno la rendez sans effet. Na unaifanya kuwa la parole de Dieu neno la Mungu ne fait elle ne fera rien dans votre vie. Elle sera incapable de vous délivrer de tous les démons qui vous dominaient. Et elle sera incapable de vous délivrer de tous les péchés dans lesquels tu vivais. Elle sera incapable de vous donner la vie de Dieu. L'hybridation est une très mauvaise mauvaise chose. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai. Si les réveils sont tombés, c'est à cause de l'hybridation. Si beaucoup de frères et beaucoup de sœurs jusqu'aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est à cause de l'hybridation. Saudi Amungu, la parole de Dieu, itawezi kubiriwa sawa sawa, elle peut être prêchée correctement avec preuve à l'appui d'un mot à l'autre. Mais wakati une hypocrisie. Lorsque tu l'as reçu, si tu ajoutes kiloko, tu retranches yako, ta pensée, tu prends la pensée de quelqu'un d'autre, tu la mélanges à la parole de Dieu, tu ne seras jamais sauvé, tu ne changeras jamais. N'est-ce pas? Même ce matin ici. Attends, ce bruit, allez. Il y a des frères qui se posent la question des sœurs. Pourquoi Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui ici, je n'ai pas encore je ne suis pas encore de nouveau. Pourquoi Ningari Nabishilani? Pourquoi j'ai encore la colère? Pourquoi Ningari Mouige? Pourquoi je Ningari suis encore colère? Je suis encore Ningari Nabongo? Je suis encore menteur. Pourquoi Mishishikia Kenelo Lamungu Mzuri? Pourquoi je n'écoute pas correctement la parole? Kala Mubaridi, assis-toi. Wanze kugeuza ribu ribu kwa moya. Ah. Wangare mubile unamini. Fais la rétrospection de ce que tu crois. Awikalake uko na heshimia neno la Mungu. Tu ne respectes pas la parole dans de Dieu. Dans toute sa fidélité. Muaminifu wa yote. Unekalaka na bubishi sana. Tu ne verras rien jusqu'à ce que tu mourras et jusqu'à même à l'enfer. La parole de Dieu dit quelque chose. N'est-ce pas, les pentecôtistes eux aussi font ceci. Vous comparez aux pentecôtistes. Je te laisse aller dans la voie des pentecôtistes. N'est-ce pas, les dénominations. Je vais te laisser aller dans la voie des dénominations. Et la parole ne sera jamais confirmée en toi. Nanelo la Mungu atakikishiwa kamwe ndani yako. La parole de Dieu est une semence de vie qui ne supporte pas une interprétation particulière. L'église est avec moi. La semence de vie qui est la parole de Dieu doit être gardée dans la foi. C'est vrai, frère. Et la foi na imani, véritable kweli, a des racines dans les Écritures, ndani ya maandiko, pas dans les interprétations. Apana matafsili, apana. Quand vous ajoutez à la parole, ukiongeza kuneno la Mungu, vous retranchez à la parole, wala ukiondosha kuneno la Mungu, vous avez une semence sans germe de vie. Manake, ukuna mbeko ya shipu kwa na chipuko ya bushima. Mais dans le naturel, muasili, allez d'abord mettre un maïs sans germe de vie. Wende upande mwindi bila chipuko. Voyez si vous aurez la récolte. Tuone kama ile mwindi yako itakuletea mavuno. Regardez si dans votre champ, angalia mashamba yako, il y aura des maïs. Kama mutakuwa mihindi ya kuvuna. L'interprétation de la parole de Dieu, ya neno la Mungu, ça tue la vie dans la parole. Muneno, et la parole neno, n'aura pas d'effet en vous. Aita kwa na matokeo ndani yako. Comme la parole de Dieu est une semence. Sawa vile neno la Mungu nayo ni mbego. Quand vous la recevez dans la foi, sur pas de l'écriture, quand le Saint-Esprit vient comme la pluie, pour arroser cette semence-là, c'est à ce moment-là que la parole germera. Elle va se matérialiser. Mais quand la parole de Dieu vient, elle ne trouve rien en toi. Mais elle ne peut pas germer. Elle va féconder quoi? L'église est avec moi. Elle va féconder quoi? Parce que le Saint-Esprit vient sur la parole pour la féconder, pour la vivifier. Mais il faut que cette parole-là soit pure, sans interprétation. Si elle est déjà interprétée, c'est une semence morte et n'a pas de vie. C'est ainsi que vous allez rester membre d'église, mais avec zéro vie de Christ. C'est même la raison pour laquelle quand Dieu dit à Jérémie, il dit dans Jérémie 23, il dit pourquoi vous voulez mêler, vous mélanger. Jérémie chapitre 23, dans son verset 28 à 29, quel est le prophète qui a eu un songe? Quel est le prophète qui a eu un songe? Nabi ula ripata ono. Raconte ce songe. Apate kutangaza ile ono yake. Et que celui qui a entendu ma parole na ule alisikia neno langu rapporte fidèlement ma parole apate kuleta na uaminifu wote neno langu. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Dieu a nini kuchanga nyasi kungano hivi Bwana anasema. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Kuchanga nyasi kungano. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, eti, dit l'Éternel, neno lango eti, et comme un marteau qui brise les rocs? Sawa nyundo yenye kuvunja miamba. La parole de Dieu neno la Mungu est un feu. Ni moto. La parole de Dieu neno la Mungu est un marteau. Ni nyundo. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, wakati mtu anapokea neno la Mungu, elle garde la pureté, na kuichunga na usafi. Le Saint-Esprit avec la parole brisera son incrédulité pour faire de cet homme, de cette femme, enfant de Dieu. Mais il faut que la parole soit pure. Il ne faut pas mélanger la parole avec les traditions humaines. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Quand vous hybridez la parole, vous la mélangez avec des choses qui ne sont pas d'origine divine, vous tuez la parole, elle ne fera rien en vous. Vous ne changerez jamais. Vous ne deviendrez jamais une nouvelle créature. Il n'y aura jamais en vous une nouvelle création à l'image de Christ. Parce que tu l'as mélangé. Dieu ne peut pas s'associer au mensonge. Non, bien aimé frère. Dans le message, les portes dans la porte. Les portes dans la porte. À la page 8 au paragraphe 29. Maintenant, vous voyez, si vous faites une déclaration qui n'est pas la vérité, Dieu n'aura rien à faire avec ça, avec cela. Vous savez que Dieu n'est pas associé au mensonge, mais il ne soutient que ce qui est vrai. Dieu n'est pas associé au mensonge. C'est vrai. Il ne soutient que ce qui est vrai. Car vous croyez ce qui est vrai, conformément à Esaïe 8, il viendra confirmer. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Esaïe chapitre 8, le verset 20. Écoutez ce que l'Écriture dit. Si vous associez seulement la parole de Dieu à vos pensées, aux pensées humaines, aux pensées d'un prédicateur, cette parole est sans effet à la loi et au témoignage. Vous voyez, vous devez parler selon les Écritures. Vous parlez selon la loi et selon les prophètes. Vous voyez bien, mes frères, vous devez parler selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ne devez donc trouver compte dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Si on ne parle pas selon les Écritures, on ne parle pas selon la vérité, on ne parle pas selon les témoignages des Écritures, il n'y aura pas d'horreur. C'est-à-dire, il n'y aura pas de vie. Il n'y aura pas de vie. Il n'y aura pas de salut. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, et sombre angoisse, il sera poussé dans des épaisses ténèbres. Frère, comment on a hybridé neno la mungu? Si tu mélanges la parole de Dieu na mawazo yako, avec ta pensée, apana kutumainia bujima ya mungu ndana maisha yako. N'espère jamais la vie de Dieu dans ta vie. Apana kutumainia onjo ata moya aucune expérience avec Dieu. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Dieu respecte, Dieu veut Mungu anapenda que sa parole ya kwamba neno la ne se mélange en rien. Ishichangane na kitu. Il faut la recevoir. Inapashi kuipokea. Il faut la croire telle qu'elle vous est donnée par des hommes que Dieu lui-même a mandaté. Kupitia batu bale Mungu ye mwenye alituma. Oui, frère. Ndio nduku. Frère Branham a prêché tout un message. Nduku Branham a rubiri maubiri muzima. Sur l'hybridation. Yuli ya muchango. Sur l'importance. Yuli ya mafao. De ce que fait la parole. Ya kile neno la Mungu kuna fanya. Il a prêché. A rubiri. La parole parlée est la semence originale. Quand vous prenez ce message, Frère Branham a pris beaucoup de temps pour expliquer les méfaits des interprétations particulières, des libérations de la parole, à montrer comment les méfaits des libérations depuis la Genèse. Le seul moyen de rendre la parole sans effet, c'est de contester à la parole de Dieu. Ajouter un peu, retrancher un peu, il n'y a rien. Croire à une parole hybridée, n'espérer rien. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. Même dans le naturel. Ata muasili. Chaque semence hybridée. Kila mbegu yenye kuchangwa. Ne veut pas se reproduire. Ayezi kuzalana. Il n'y a que la parole originelle. Ni paka neno ya kumwanjo. Qui a la puissance de reproduction. Jo yenye kwa na uwezo ya kuzalana. Parce que la parole est originelle. Ju neno ya kumwanjo. Et Dieu. Ni Mungu. Et depuis le commencement. Tangia mwanjo. Dieu avait dit. Mungu alisemaka. Que chaque semence se reproduise selon son espèce. Kufuatana na kabila yayo. Une semence hybridée. Mbegu yenye kuchangwa. Une semence hybridée. Mbegu ya muchango. Ce n'est pas une semence divine. Aina mbegu ya Mungu. Ça ne vient pas de Dieu. Aitoke kwa Mungu. Ça ne vient pas de la parole. C'est un mensonge. Oui, bien aimé frère et soeur. Mais quand la parole est gardée pure dans votre cœur, comme la parole de Dieu est une semence divine, elle va se reproduire en vous. Elle fera de vous un véritable chrétien portant la vie de Christ, portant la vie de Dieu. Mais toi, tu n'as pas la vie de Dieu. C'est parce que tu as déjà hybridé la parole. Tu as ajouté la paille au froment. Tu ne parles pas selon la loi et les témoignages. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Aujourd'hui, les gens inspirés par le diable essaient de brider toutes choses. C'est une chose horrible aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ce sont des chrétiens hybrides, des églises hybrides, le Saint-Esprit hybride, les dons hybrides, nouvelle naissance hybride, l'hybridation a amené le chaos spirituel. Inaleta kufa kwa kiro. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada. Nous avons des églises qui se disent être chrétiennes. Mais il n'y a rien de chrétien. Amuna kinye kia Christo. Il n'y a rien de Christ. Amuna kia Christo ataki moja. On a des croyants qui s'appellent chrétiens. Tunakuwa na baamini fanya kujita Christo. Mais il n'y a rien de chrétien. Amuna de Christ en eux. Kia bu Christo ndani yabo. À cause de l'hybridation. Kwa ajili ya mchango. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'hybridation. Juu mchango. A tué. La vie qui était dans la parole. Oui, bien-aimé frère. Dieu ne supporte pas cela. Mungu ashivumiri yake. Attendez, je vous lis quelque chose. Musubiri nimisome kitu kimoja. Sur l'hybridation. Écoutez comment frère Branham parle. Musikie namna kani nduku Branham eko nasema. En parlant de l'hybridation. Mukusema kuhusu mchango. Vous pouvez commencer la parole parler la semence originelle. Nimahubiri neno yenye kusemewa njo mbeko ya kumwanjo. Commencez à partir du paragraphe 7. Mwanzie panukta ya saba. Allez avec ça. Mwende nayo. Jusqu'au paragraphe et jusqu'à la page 17. Kufika na pakartasi ya 17. Donc ces pages ici, Frère Branham ne fait que parler de mes faits de l'hybridation. C'est vrai, frère. Parce que quand votre foi est hybridée, c'est fini. Ma foi, ayant sa source dans la parole, ne peut pas prendre une interprétation particulière quelconque. Car Kwani? La Bible déclare que ne peut être l'objet d'aucune interprétation particulière. L'Esprit a simplement révélé cela. Ro inaifunua tu. Je connais le passage de l'Écriture. Najua iandiko. Mais en ce moment, alakini mui wakati, je ne sais pas exactement où elle se trouve. Visijue napatikana wapi. C'est l'Écriture que nous avons lue à l'introduction. Niandiko ile tulisoma kumwanjo. Vous voyez. Munaona. En tant qu'élu, sawa muteule, notre foi, imani yetu, doit avoir comme source la parole de vérité. Et en tant qu'élu, on n'a pas le droit de prendre une interprétation particulière parce que la Bible vous interdit de le faire. Est-ce que l'Église est avec moi? La Bible, Dieu, Biblia vous interdit de reposer votre foi sur une interprétation. Pourquoi? C'est pour vous empêcher de mourir. C'est vrai, frère. Ne reposez jamais votre foi sur une chose qui n'est pas parole de Dieu. Non, bien-aimé frère. Vous lirez, il y a beaucoup de choses que Frère Branham dit. Maintenant, écoutez. Je suis à la page 11. J'ai commencé par la Genèse et je suis maintenant dans l'Apocalypse, montrant tout cela ensemble et la parole de Dieu. L'Apocalypse dit que quiconque retranchera ou ajoutera, vous voyez, ou ajoutera à cette parole, verra sa part retranchée au livre de vie. Je regarderai dans l'Écriture dans un moment et je vous citerai cette Écriture. C'est Apocalypse 22, verset 18 à 19. Maintenant, écoutez. Que nous enseigne le premier chapitre? Que dit-on de la parole? La parole, elle est éternelle. Il ne faut pas dormir. J'ai lu le prophète. La parole est éternelle, nous l'avons déjà enseignée. Elle ne doit pas être falsifiée. en ajoutant ou en retranchant quoi que ce soit. Voyez-vous? Comprenez-vous cela? On ne doit pas y ajouter. Dieu y veille. Et qu'on la kesha, Dieu y veille. Pour que tu ne puisses pas y ajouter. Rien ne doit y être ajouté. Rien ne peut y être retranché. Car elle est éternelle. Vous voyez le fondement que j'essaie de vous apporter maintenant. C'est temps de la Genèse à l'Apocalypse. Et ne se mélangera à rien d'autre. Comprenez-vous cela? C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il faut que ça soit ainsi. Il faut que la parole soit, reste libre. Sans y interpréter quelque chose. Sans y ajouter quelque chose. Sans y retrancher quelque chose. Maintenant, je voudrais rendre cela vraiment clair pour les bandes. Après vous avoir dit pourquoi je crois la parole et ce que Dieu a dit à son sujet, il ne fallait rien y ajouter et rien à retrancher. Je désire approfondir le texte, le contexte de ce long sujet que je vous ai présenté et vous montrer ce qui s'est passé. Alors vous pourrez voir la raison pour laquelle je crois ce que je crois. Vous voyez, cela ne peut être mélangé. Et cela ne peut s'hybridera avec rien d'autre. Cela ne sera pas hybridé. Aujourd'hui, c'est la grande mode d'hybrider les animaux, le maïs, le blé, pour en faire des produits de meilleure apparence, mais cela ne vaut rien du tout. C'est pourri. Il n'y a aucune vie en cela. Cela meurt. Cela ne se reproduit, ne peut se reproduire. C'est la mort. C'est vrai, frère. Car tout ce que nous avons aujourd'hui sur la terre, dans sa forme originelle, c'est une parole que Dieu a prononcée au commencement. Ouais, vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de maladies. Vous savez pourquoi? C'est à cause de l'hybridation. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus de plus en plus très faibles? C'est à cause des choses hybridées que nous mangeons. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes soeurs. Aujourd'hui, il y a l'apparition des cancers, des toutes sortes de maladies. Vous voyez, d'épidémies qui surgissent. C'est comme ces derniers jours ici. On a des douleurs. Mais des douleurs atroces dans la chair. Mais vous allez à l'hôpital. On fait la radio. On fait les examens. On fait l'écho. Vous n'avez rien. Et pourtant vous êtes malade. Vous avez des douleurs. Vous voyez. Il y a des membres qui s'enflent. Voyez, vous vous réveillez le matin. Il y a la jambe, le bras qui s'enfle. J'ai vu même des frères et des sœurs avec des yeux qui s'enflent. Et pourtant, avant d'attendre Apollo, la réponse est celle que nous sommes en train de lire. L'hybridation amène les maladies. Et les maladies amènent à la mort. Regardez aujourd'hui la mort parmi les jeunes. Lufu mubiyana. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui meurent plus que les vieux. Parce que les vieux ont un peu de réserve. Ils avaient mangé dans des choses naturelles. Les hybrides que nous avons aujourd'hui. Hybride. Lele que l'enfant hybride. Est en train de têter. Malaki. Tout ce qu'ils mangent sont des choses hybridées. Tout hybride. Hybride. Même la farine elle-même hybride. Hybride. Le poulet hybride. Les poissons hybridés. La viande hybride. Tout est hybride. Biote ni bia kuchanga changa. Voilà pourquoi nous mourons. Tu kunakufa. Voilà pourquoi même spirituellement nos églises deviennent de plus en plus faibles. D'où vient la faiblesse? Dans nos églises, nous avons beaucoup hybridé la parole originelle. Le message du temps de la fin n'est plus pur. Ne cherchez pas de sorciers. Il y a beaucoup de fausses choses. Même des comportements dénominationnels. Des enseignements dénominationnels. Interprétations dénominationnelles. Qui se sont glissés dans le message du temps de la fin. Et cela rend la parole de Dieu. Rend ce message. Il fut confirmé par la parole de Dieu. Par la parole de feu. Sans effet. Il n'y a pas d'effet. Partout ces messages arrivaient, le réveil commençait. Le message du temps de la fin ujumbe wakati wa mwisho est un réveil. Kama mtu anaipokea mara ya kwanza la pureté, le réveil commence en lui. Mwisho inaanza ndani yake. Mais aujourd'hui, quelqu'un croit aujourd'hui, on le baptise, mardi on l'offre au canis, il s'absente de l'église. Ça, ce n'est pas le message. C'est faux, frère. Via bongo nduku. L'hybridation Muchango nous a tués, frère. Inatua nduku. Frère. Nduku. Nous vivons dans l'église bitubila tuko na fumiria. Dans ce message. Mui ujumbe. Les gens s'enivrent. Dans ce message. Mui ujumbe. Bana muke weko na voila mpantalo. Les femmes portent des pantalons. Dans ce message. Mui ujumbe. Bana muke weko na jipenda. Les femmes se maquillent. Dans ce message. Mui ujumbe. Frère. Nduku. L'hybridation et tout. Muchango nous a tués. L'hybridation. Muchango. Inetui à Mujumbe. Nous a fait tuer le message. Nous parlons. Tu connaissais maintenant. Ça, ça. Nous parlons au reste. Tu connaissais quand Kundi Kaloko. Wa kale Kundi Kaloko. Nous n'avons plus à faire. À tout na tena à la base de l'église. À toi engagé la Kundi ya watu. Vous qui êtes. Vous qui êtes. Membre de l'église du message. Vous m'avez dit que je n'ai pas les inges. Venez nous dire. On n'a pas affaire à vous. Mais tu connaissais mal. Nous parlons. Nous n'avons avec beaucoup d'insistance. C'est pour réveiller la conscience. De ces restes. L'épouse, parce que l'épouse est connectée à l'esprit de l'époux. Nous disons à l'épouse, observez l'écriture. C'est vrai, frère. Regardez là où nous allons, ce n'est plus là où nous étions. Nous sommes à la dérive, à la fin du temps de l'Odyssée. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. À la fin de chaque message, les choses se pervertissent. Il y a un reste qui a droit d'écouter la pureté de la parole. Même si tout le monde refuse de fermer la porte, il y a toujours un témoin qui parlera selon la vérité jusqu'au retour du Seigneur. C'est vrai, frère. L'hybridation est tout. Muchango nous a tués. C'est vrai, frère. Bien quoi, Ndoku. C'est vrai, ma soeur. Bien quoi, parce que cela ôte la vie. Dieu, il est où na ondo shabujima. Cela rend sans effet. Inafanya akuna tena uwezo. La parole de Dieu. Muneno la Mungu. Même la nouvelle naissance. Hata kuzaliwa mara ya pili. Mais c'est C'est une nouvelle naissance intellectuelle. Beaucoup de frères et de sœurs qui ne sont pas nés de nouveau. Nouvelle naissance au message. La nouvelle naissance du message. C'est faire longtemps dans le message. On te connaît par des frères, des pasteurs et les prédicateurs te connaissent. C'est fini. Automatiquement, c'est faux. C'est une fausse nouvelle naissance. Nikuzaliwa mara ya pili kwa bongo. Oui, bien, mes frères. Le Saint-Esprit. N'est pas qu'à en chantant, quelqu'un se roule par terre, il crie. Mais en attendant, en sortant. C'est un porc, un cochon. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Ni Romu Takatif Ganil. Mon frère. L'hybridation. Muchango. Est une très mauvaise chose. Nikitu Kibaya San. L'hybridation Muchango a tué ce message. C'est vrai, frère. Frère Branham continue. Il dit ceci. La parole parlée, la sémence. La parole parlée, la parole parlée de Dieu est originale. Et tout ce que Dieu a créé, appelé à l'existence par sa parole, est original. Et vous ne pouvez pas hybrider après coup quelque chose de, de sa création. La raison pour laquelle Ève a pu faire ce qu'elle a fait de sa propre semence et parce qu'elle n'était pas de la création originelle. Vous voyez, mais l'hybridation n'est pas de la création originelle. Vous voyez, elle ne peut pas se produire. Et même nous, nous sommes les produits de l'hybridation. Voilà pourquoi nous mourons. C'est vrai, frère. C'est la raison fondamentale où la parole de Dieu nous recommande la nouvelle naissance parce que notre première naissance est hybridée et nous conduit à la mort. Quiconque naît de la femme mourra certainement. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, l'hybridation apporte la mort. C'est vrai, frère. L'hybridation n'a pas de vie en elle. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour mélanger ses paroles avec la sienne. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes pas censés prononcer nos propres paroles. Nous sommes censés prêcher sa parole. Prêcher et croire la parole de Dieu. Voyez. Et là, nous allons produire la vie de Christ. Oui, bien-aimés frères et sœurs. N'hybridez pas la parole. Ne discutez pas avec la parole. N'arrangez pas la parole selon votre convenance. Non, bien-aimés frères, vous ne verrez rien et vous ne verrez rien et vous n'aurez rien. Il n'y aura rien en vous. Oui, bien-aimés frères, il y a des sœurs et des frères qui ne connaissent la nouvelle naissance, qui ne connaissent la nouvelle naissance, que par les enseignements, que par la tête, mais ils n'ont pas la réalité. Ouais, c'est comme une femme qui a étudié les douleurs de la femme, les douleurs de l'enfantement de la femme. Mais elle n'a jamais accouché. Elle ne connaît rien. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Il y a des sœurs et des frères qui ne connaissent le Saint-Esprit que dans leur propre pensée, par enseignement. Mais ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Voyez bien mes frères. Quand vous demeurez longtemps dans cet état-là, vous allez vous forger vous-même un faux Saint-Esprit. Et c'est fini. Vous vous tuez vous-même. C'est pourquoi, frère, la Bible, la parole de Dieu, le message du temps de la fin, étant la parole, étant la semence de vie, elle ne peut vous apporter des changements, elle ne peut vous apporter la vie qu'à une seule condition. Il faut la garder propre. Il ne faut pas l'hybrider. C'est vrai, frère. Croyez les choses conformément aux Écritures. Ne croyez pas des choses selon vos sentiments. Ne croyez pas des choses selon votre compréhension. Ne croyez pas des choses selon les compréhensions des autres. Ne croyez pas des choses parce que les autres le croient. Ce n'est pas le comportement d'un élu. Vous non. La foi est individuelle. Le salut est individuel. C'est vrai, frère. Même l'enlèvement est individuel. Chacun sera enlevé individuellement. Nous allons nous réunir. Dans les airs. Il n'y a pas d'enlèvement collectif. Montre à montre à Tanyanuliwa. Individuellement. Bibi Palouake. La femme personnellement. Le mari aussi individuellement. Frère Flan Palouake. L'ami tel frère individuellement. Nous allons nous rassembler en Christ. Takusanika ndani ya Kristo. Mwewa. Dans les airs. C'est vrai, frère. N'hybridez pas la parole. Vous voulez naître de nouveau. Gardez la parole pure. Que ta pensée aussi soit pure. Que ta foi soit pure. Quand est-ce que ta foi sera pure? C'est lorsqu'elle trouve sa ressource. Vous voyez, dans les Écritures, ne croyez jamais une chose mal expliquée, mal interprétée. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas une chose auquel on a ajouté, on a retranché, cela vous embrouillera et cela amènera la mort en vous. Vous voulez la vie, la parole. C'est pourquoi Frère Branham me disait trois choses qu'on ne peut pas faire avec la parole. Il ne faut pas mal interpréter la parole. Il ne faut pas la situer mal. Il ne faut pas la disloquer mal. Kuikabula, placer la parole de Dieu. Il ne faut pas mal interpréter la parole de Dieu. C'est ça la première des choses. Il ne faut pas placer la parole de Dieu en dehors de sa place. La deuxième des choses. Il ne faut pas disloquer la parole de Dieu. De la mauvaise manière. Si tu fais ces trois choses, la parole de Dieu n'aura jamais la vie dans ta vie jusqu'à ce que tu mourras. Tu resteras toujours un païen dans l'église. Que Dieu vous bénisse tous ces matins. Fuyez l'hybridation. C'est vrai, frère. Laissez la parole de Dieu, propre, telle qu'elle vous est donnée. Ne cherchez même pas l'interpréter pour qu'elle vous convienne. Non, bien-aimés frères, non, bien-aimés sœurs, vous vous tuez vous-même. Interprétez la parole pour vous-même. Cela signifie que vous prenez l'acide sulfurique pour vous-même. Vous tuez. Levons-nous pour la prière. Fuyez l'hybridation. Gardez la parole de Dieu propre. N'interprétez rien dans la parole. Ne croyez rien qui n'est pas conforme aux Écritures. C'est vrai, frère. Parce que l'hybridation enlève la vie dans la parole. L'hybridation rend impuissant la parole. Rend sans effet la parole. N'interprétez jamais la parole de Dieu ni pour vous-même ni pour quelqu'un d'autre. Si tu ne comprends pas, priez jusqu'à ce que Dieu t'envoie le Saint-Esprit qui vous ouvrira ton entendement spirituel pour que tu comprennes exactement la pensée de Dieu pour ton salut. Accente buona. Amen. Alleluia. Ac sante buona. Amen. Ac sante buona. Ac sante buona. Amen. Amen. Alleluia. Prions-nous tous ensemble. Tombe si sote pamoja.